Chapitre 41. Peu de temps après la difficile exploration qui fut si fatale au tonnelier, je fus chargé de rechercher les auteurs d'un vol de nuit commis, à l'aide d'escalade et d'effraction, dans les appartements du prince de Condé au palais Bourbon. Des glaces d'un très grand volume en avaient disparu, et leur enlèvement s'était effectué avec tant de précaution que le sommeil de Cerbère, qui suppliait à la vigilance du concierge, n'en avait pas été troublé un instant. Les parquets dans lesquels ces glaces étaient enchâssées n'ayant point été endommagés, je fus d'abord porté à croire qu'elles en avaient été extraites par des ouvriers miroitiers ou tapissiers. Mais à Paris, ces ouvriers sont nombreux, et parmi eux je n'en connaissais aucun sur qui je pusse, avec quelque probabilité, faire planer mes soupçons. Cependant, j'avais à cœur de découvrir les coupables, et pour y parvenir, je me mis en quête de renseignements. Le gardien d'un atelier de sculpture établi près du quinconce des Invalides me fournit la première indication propre à me guider. Vers 3 heures du matin, il avait vu près de sa porte plusieurs glaces gardées par un jeune homme qui prétendait avoir été obligé de les entreposer dans cet endroit en attendant le retour de ses porteurs, dont le brancard s'était rompu. 2 heures après, le jeune homme ayant ramené 2 commissionnaires, leur avait fait enlever les glaces et s'était dirigé avec eux du côté de la fontaine des Invalides. Au dire du gardien, l'individu qu'il signalait pouvait être âgé d'environ 23 ans et n'avait guère que 5 pieds 1 pouce. Il était vêtu d'une redingote de drap gris foncé et avait une assez jolie figure. Ces données ne me furent pas immédiatement utiles, mais elles me conduisirent indirectement à trouver un commissionnaire qui, le lendemain du vol, avait transporté des glaces d'une belle grandeur rue Saint-Dominique, où il les avait déposées dans le petit hôtel Caraman. Il se pouvait bien que ces glaces ne fussent pas celles qui avaient été volées, et puis, en supposant que ce fussent elles, qui me répondait qu'elles n'avaient pas changé de domicile et de propriétaire. On m'avait désigné la personne qui les avait reçues. Je résolus de m'introduire chez elle, et pour ne lui inspirer aucune crainte, ce fut dans l'accoutrement d'un cuisinier que je résolus de m'offrir à ses regards. La veste d'indienne et le bonnet de coton sont les insignes de la profession. Je m'en affuble, et après m'être bien pénétré de l'esprit de mon rôle, je me rends au petit hôtel de Caraman où je monte au premier. La porte est fermée, je frappe, on m'ouvre. C'est un fort beau jeune homme qui s'enquiert du motif qui m'amène. Je lui remets une adresse et lui dis qu'informé qu'il avait besoin d'un cuisinier, je prenais la liberté de venir lui offrir mes services. « Mon Dieu, mon ami, me répond-il, vous êtes probablement dans l'erreur. L'adresse que vous me donnez ne porte pas mon nom. Comme il est de rue Saint-Dominique, c'est sans doute dans l'autre qu'il vous faut aller. » Tous les Ganymèdes n'ont pas été ravis dans l'Olympe. Le beau garçon qui me parlait affectait des manières, des gestes, un langage qui, joint à sa mise, me montrait tout d'un coup à qui j'avais affaire. Je pris aussitôt le ton d'un initié au mystère des ultra-philanthropes, et après quelques signes qu'il comprit parfaitement, je lui exprimai combien j'étais fâché qu'il n'eût pas besoin de moi. « Ah, monsieur, lui dis-je, je préférerais rester avec vous, lors même que vous ne me donneriez que la moitié de ce que je puis gagner ailleurs. Si vous saviez combien je suis malheureux. Voilà 6 mois que je suis sans place, et je ne mange pas tous les jours. Croiriez-vous qu'il y ait bientôt 36 heures que je n'ai rien pris ?»« Vous me faites de la peine, mon bon ami. Comment donc ? Vous êtes encore à jeun ? Allons, allons, vous dînerez ici. » J'avais en effet une faim capable de donner au mensonge que je venais de faire toutes les apparences d'une vérité. Un pain de 2 livres, une moitié de volaille, du fromage et une bouteille de vin qu'il me servit, ne séjournèrent pas longtemps sur la table. Une fois rassasié, je me mis à l'entretenir de ma fâcheuse position. « Voyez, monsieur, lui dis-je, s'il est possible d'être plus à plaindre. Je sais 4 métiers, et des 4, je ne puis en utiliser un seul. Tailleur, chapelier, cuisinier, je fais un peu de tout et n'en suis pas plus avancé. Mon premier état était tapissier-miroitier. »« Tapissier-miroitier, » reprit-il vivement. Et sans lui laisser le temps de réfléchir à l'imprudence de cette espèce d'exclamation. « Eh oui, » poursuivis-je, « tapissier miroitier. C'est celui de mes 4 métiers que je connais le mieux. Mais les affaires vont si mal qu'on ne fait presque plus rien en ce moment. » « Tenez, mon ami, » me dit le charmant jeune homme, en me présentant un petit verre. « C'est de l'eau de vie, cela vous fera du bien. Vous ne sauriez croire combien vous m'intéressez. Je veux vous donner de l'ouvrage pour quelques jours. » « Ah, monsieur, vous êtes trop bon, vous me rachetez la vie. « Dans quel genre, s'il vous plaît, vous conviendrait-il de m'occuper ?»« Dans l'état du miroitier. »« Si vous avez des glaces à ranger, trumeaux, psychés, bonheur du jour, joie de narcisse, n'importe, vous n'avez qu'à me les confier. Je vous ferai, comme on dit, boire un plat de mon métier. J'ai des glaces de toute beauté. Elles étaient à ma campagne, d'où je les ai fait revenir, de peur qu'ils ne prient à messieurs les Cosaques la fantaisie de les briser. Vous avez très bien fait, mais pourrait-on les voir ? Oui, mon ami. Il me fait passer dans un cabinet, et à la première vue, je reconnais les glaces du palais Bourbon. Je m'extasie sur leur beauté, sur leurs dimensions, et après les avoir examinées avec la minutieuse attention d'un homme qui s'y entend, je fais l'éloge de l'ouvrier qui les a démontées sans en avoir endommagé le teint. « L'ouvrier, mon ami, me dit-il, l'ouvrier, c'est moi. Je n'ai pas voulu que personne y touche, pas même pour les charger sur ma voiture. Ah, monsieur, je suis fâché de vous donner un démenti, mais ce que vous me dites est impossible. Il faudrait être du métier pour entreprendre une besogne semblable, et encore, le meilleur ouvrier n'en viendrait-il pas à bout seul ?» Malgré l'observation, il persista à soutenir qu'il n'avait pas eu d'aide, et comme il ne m'eût servi à rien de le contrarier, je n'insistais pas. Un démenti était une impolitesse dont il aurait pu se formaliser. Il ne me parla pas avec moins d'aménité, et après m'avoir à peu près donné ses instructions, il me recommanda de revenir le lendemain afin de me mettre au travail le plus tôt possible. « N'oubliez pas d'apporter votre diamant. Je veux que vous me débarrassiez de ces cintres qui ne sont plus de mode. » Il n'avait rien de plus à me dire, et je n'avais plus rien à apprendre. Je le quittai, et allai rejoindre deux de mes agents à qui je donnais le signalement du personnage, en leur prescrivant de le suivre dans le cas où il sortirait. Un mandat était nécessaire pour opérer l'arrestation. Je me le procurai, et bientôt après, ayant changé de costume, je revins, assisté du commissaire de police et de mes agents, chez l'amateur de glace qui ne m'attendait pas si tôt. Il ne me remit pas d'abord. Ce ne fut que vers la fin de la perquisition que, m'examinant plus attentivement, il me dit « Je crois vous reconnaître. N'êtes-vous pas cuisinier ?»« Oui, monsieur, » lui répondis-je. « Je suis cuisinier, tailleur, chapelier, miroitier, et qui plus est, mouchard pour vous servir. » Mon sang-froid le déconcerta tellement qu'il n'eut plus la force de prononcer un seul mot. Ce monsieur se nommait Alexandre Parhuit. Outre les glaces et de chimères en bronze doré qu'il avait prises au palais Bourbon, on trouva chez lui quantité d'objets provenant d'autres bols. Les inspecteurs qui m'avaient accompagné dans cette expédition se chargèrent de conduire Parhuit au dépôt, mais chemin faisant, ils eurent la maladresse de le laisser échapper. Ce n'est que 10 jours après que je parvins à le rejoindre à la porte de l'ambassadeur de Sa Hautesse le Sultan Mahmoud. Je l'arrêtai au moment où il montait dans le carrosse d'un Turc qui vraisemblablement avait vendu ses odalisques. Je suis encore à m'expliquer comment, malgré les obstacles que les plus experts d'entre les voleurs jugeraient insurmontables, Parhuit a pu effectuer le vol qui lui a procuré 2 fois l'occasion de me voir. Cependant, il paraît constant qu'il n'avait point de complice, puisque dans le cours de l'instruction, par suite de laquelle il a été condamné au fer, aucun indice, même des plus légers, n'a pu faire supposer la participation de qui que ce soit. À peu près à l'époque où Parhuit enlevait les glaces du palais Bourbon, des voleurs s'introduisirent nuitamment rue de Richelieu, numéro 17, dans l'hôtel de Valois, où ils dévalisèrent monsieur le maréchal de camp Bouchu. On évalua 30 000 francs les effets dont ils s'étaient emparés. Tout leur avait été bon, depuis le modeste mouchoir de coton jusqu'aux torsades étoilées du général. Ces messieurs, habitués à ne rien laisser traîner, avaient même emporté le linge destiné à la blanchisseuse. Ce système, qui consiste à ne pas vouloir faire grâce d'une loque à la personne que l'on vole, est parfois fort dangereux pour les voleurs, car son application nécessite des recherches et entraîne des lenteurs qui peuvent leur devenir funestes. Mais en cette occasion, ils avaient été opérés en toute sûreté. La présence du général dans son appartement leur avait été garantie qu'ils ne seraient pas troublés dans leur entreprise. Ils avaient vidé les armoires et les malles avec la même sécurité qu'un greffier qui procède à un inventaire après décès. Comment, va-t-on me dire, le général était présent ? Hélas, oui ! Mais quand on prend sa part d'un excellent dîner, qu'on ne se doute guère de ce qu'il en adviendra. Sans haine et sans crainte, sans prévision surtout, on passe gaiement du Baume au Chambertin, du Chambertin au Clovougeot, du Clovougeot au Romanet. Puis, après avoir ainsi parcouru tous les crus de la Bourgogne, en montant l'échelle des renommées, on se rabat en Champagne sur le pétillant Aï, et trop heureux alors le convive, qui plein des souvenirs de ce joyeux pèlerinage, ne s'embrouille pas au point de ne pouvoir retrouver son logis. Le général, à la suite d'un banquet de ce genre, s'était maintenu dans la plénitude de sa raison, je me plais du moins à le croire, mais il était rentré chez lui accablé de sommeil, et comme dans cette situation on est plus pressé de gagner son lit que de fermer une fenêtre, il avait laissé la sienne ouverte pour la commodité des allants et des venants. Quelle imprudence ! Pour qu'il s'endormît, il n'avait pas fallu le bercer, J'ignore s'il avait fait d'agréables songes, mais ce qui demeura constant pour moi, à la lecture de la plainte qu'il avait déposée, c'est qu'il s'était réveillé comme un petit Saint-Jean. Quels individus l'avaient dépouillé de la sorte? Il n'était pas aisé de les découvrir, et pour le moment, tout ce que l'on pouvait dire d'eux, avec certitude, c'est qu'ils avaient ce qu'on appelle du toupet, puisqu'après avoir rempli certaines fonctions dans la cheminée de la chambre où reposait le général, abominable profanateur, ils avaient poussé l'irrévérence jusqu'à se servir de ses brevets, de manière à prouver qu'ils le tenaient pour le premier dormeur de France. J'étais bien curieux de connaître les insolents à qui devait être imputé un vol accompagné de circonstances si aggravantes. À défaut d'indices, d'après lesquels je pusse essayer de me tracer une marche, je me laissais aller à cette inspiration qui m'a si rarement trompé. Il me vint tout à coup à l'idée que les voleurs qui s'étaient introduits chez le général pourraient bien faire partie de la clientèle d'un nommé Perrin, ferrailleur, que l'on m'avait depuis longtemps signalé comme un des receleurs les plus intrépides. Je commençais par faire surveiller les approches du domicile de Perrin, qui était établi rue de la Sonnerie numéro 1. Mais au bout de quelques jours, cette surveillance n'ayant eu aucun résultat, je restais persuadé que pour atteindre le but que je m'étais proposé, il était nécessaire d'employer la ruse. Je ne pouvais pas m'aboucher avec Perrin, car il savait qui j'étais, mais je fis la leçon à l'un de mes agents qu'il ne devait pas lui être suspect. Celui-ci va le voir. On cause de choses et d'autres, on en vient à parler des affaires. « Ma foi, dit Perrin, on n'en fait pas de trop bonnes. »« Comment les voulez-vous donc ?» repartit l'agent. « Je crois que ceux qui ont été chez ce général dans l'hôtel de Valois n'ont pas à se plaindre. Quand je pense que seulement dans son grand uniforme, il avait caché pour 25 000 francs de billets de banque. » Perrin était pourvu d'une telle dose de cupidité et d'avarice que s'il était possesseur de l'habit, ce mensonge, qui lui révélait une richesse sur laquelle il ne comptait pas, devait nécessairement faire sur lui une impression de joie qu'il ne serait pas le maître de dissimuler. Si l'habit lui avait passé par les mains, et que déjà il en eût disposé, c'était une impression contraire qui devait se manifester. J'avais prévu l'alternative. Les yeux de Perrin ne brillèrent pas tout à coup. Le sourire ne vint pas se placer sur ses lèvres, mais en un instant, son visage devint de toutes les couleurs. En vain s'efforçait-il de déguiser son trouble. Le sentiment de la perte se prononçait chez lui avec tant de violence qu'il se mit à frapper du pied et à s'arracher les cheveux. « Ah, mon Dieu !» s'écria-t-il. « Ces choses-là ne sont faites que pour moi. Faut-il que je sois malheureux ?»« Eh bien, qu'avez-vous donc ? Est-ce que vous auriez acheté ?»« Eh oui, je l'ai acheté. Ça se demande-t-il, mais je l'ai revendu. »« Vous savez à qui ?»« Sûrement, je sais à qui. Au fondeur du passage Feydeau, pour qu'il brûle les broderies. »« Allons, ne vous désespérez pas. Il y a peut-être du remède, si le fondeur est un honnête homme. » Perrin, faisant saut. « 25 000 livres de flambée, 25 000 francs, ça ne se trouve pas sous le pied d'un cheval. Mais pourquoi aussi me suis-je tant pressé? Si je m'en croyais, je me ficherais des coups. »« Eh bien moi, si j'étais à votre place, je tâcherais tout simplement de ravoir les broderies avant qu'elles soient mises au creuset. Tenez, si vous voulez, je me charge d'aller chez le fondeur. Je lui dirai qu'ayant trouvé le placement des broderies pour des costumes de théâtre, vous désirez les racheter. Je lui offrirai un bénéfice et probablement il ne fera aucune difficulté de me les remettre. » Perrin, jugeant l'expédient admirable, accepta la proposition avec enthousiasme, et l'agent, pressé de lui rendre service, accourut pour me donner avis de ce qui s'était passé. Aussitôt, muni des mandats de perquisition, je fis une descente chez le fondeur. Les broderies étaient intactes, je les remis à l'agent pour les reporter à Perrin, et au moment où ce dernier, impatient de saisir les billets, donnait le premier coup de ciseau dans les parements, je parus avec le commissaire. On trouva chez Perrin toutes les preuves du trafic illicite auquel il se livrait. Une foule d'objets volés fut reconnue dans ses magasins. Ce receleur, conduit au dépôt, fut immédiatement interrogé. Mais il ne donna d'abord que des renseignements vagues, dont il n'eut pas moyen de tirer parti. Après sa translation à la force, j'allai le voir pour le solliciter de faire des révélations. Je ne pus obtenir de lui que des signalements et des indications. Il ignorait, disait-il, les noms des personnes de qui il achetait habituellement. Néanmoins, le peu qu'il m'apprit m'aida à former des soupçons plausibles et à rattacher mes soupçons à des réalités. Je fis passer successivement devant lui une foule de suspects et sur sa désignation, tous ceux qui étaient coupables furent mis en jugement. 22 furent condamnés au fer. Parmi les contumaces était un des auteurs du vol commis au préjudice du général Bouchu. Perrin fut atteint et convaincu de recel. Mais attendu l'utilité des renseignements qu'il avait fournis, en ne prononçant contre lui que le minimum de la peine. « Oui, mais en même temps, j'entends rien. Alors ça sert à rien. » Peu de temps après, deux autres receleurs, les frères Perrault, dans l'espoir de disposer les juges à l'indulgence, imitèrent la conduite de Perrin, non seulement en faisant des aveux, mais en déterminant plusieurs détenus à signaler leurs complices. Ce fut d'après leur révélation que j'amenai sous la main de la justice deux voleurs fameux, les nommés Valentin et Rigaudy, dits Grindési. Jamais peut-être à Paris il n'y eut un plus grand nombre de ces individus qui cumulent les professions de voleur et de chevalier d'industrie que dans l'année de la première Restauration. L'un des plus adroits et des plus entreprenants était le nommé Winter de Sarlouis. Winter n'avait pas plus de 26 ans. C'était un de ces beaux bruns dont certaines femmes aiment les sourcils arqués, les longs cils, le nez proéminent et l'air mauvais sujet. Winter avait en outre la taille élancée et l'aspect dégagé qui ne messiait pas du tout à un officier de cavalerie légère. Aussi donnait-il la préférence au costume militaire qui faisait le mieux ressortir tous les avantages de sa personne. Aujourd'hui il était en hussard, demain en lancier, d'autrefois il paraissait sous un uniforme de fantaisie. Au besoin, il était chef d'escadron, commandant d'état-major, aide-de-camp, colonel, etc. Il ne sortait pas des grades supérieurs, et pour s'attirer encore plus de considération, il ne manquait pas de se donner une parenté recommandable. Il fut tour à tour le fils du vaillant Lassalle, celui du brave Winter, colonel des grenadiers à cheval de la garde impériale, le neveu du général comte de Lagrange et le cousin germain de Rapp. Enfin, il n'y avait pas de nom qu'il n'empruntât, ni de famille illustre à laquelle il ne se vantât d'appartenir. Né de parents aisés, Winter avait reçu une éducation assez brillante pour être à la hauteur de toutes ces métamorphoses. L'élégance de ses formes et une tournure des plus distinguées complétaient l'illusion. Peu d'hommes avaient mieux débuté que Winter. Jeté de bonne heure dans la carrière des armes, il obtint un avancement assez rapide. Mais, devenu officier, il ne tarda pas à perdre l'estime de ses chefs qui, pour le punir de son inconduite, l'envoyèrent à l'île de Ré dans un des bataillons coloniaux. Là, il se comporta quelque temps de manière à faire croire qu'il s'était corrigé. Mais on ne lui eut pas plus tôt accordé un grade que, s'étant permis de nouvelles incartades, il se vit obligé de déserter pour se soustraire au châtiment. Il vint alors à Paris où ses exploits, soit comme escroc, soit comme filou, lui valurent bientôt le triste honneur d'être signalé à la police comme l'un des plus habiles dans ce double métier. Winter, qui était ce qu'on appelle lancé, fut une foule de dupes dans les classes les plus élevées de la société. Il fréquentait des princes, des ducs, des fils d'anciens sénateurs, et c'était sur eux ou sur les dames de leur société clandestine qu'il faisait l'expérience de ses funestes talents. Celle-ci surtout, quelque avertie qu'elle fût, ne l'était jamais assez pour ne pas céder à l'envie de se faire dépouiller par lui. Depuis plusieurs mois, la police était à la recherche de ce séduisant jeune homme qui, changeant sans cesse d'habits et de logement, lui échappait toujours au moment où elle se flattait de le saisir, lorsqu'il me fut ordonné de me mettre en chasse afin de tenter sa capture. Winter était un de ces Lovelace de carcan qui ne trompent jamais une femme sans la voler. J'imaginais que parmi ses victimes, il s'en trouverait au moins une qui, par esprit de vengeance, serait disposée à me mettre sur les traces de ce monstre. À force de chercher, je crus avoir rencontré cet auxiliaire bénévole. Mais comme parfois ces sortes d'Ariane, toutes abandonnées qu'elles sont, répugnent à immoler un perfide, je résolus de n'aborder celle-ci qu'avec précaution. Avant de rien entreprendre, il fallait sonder le terrain. Je me gardais donc bien de manifester des intentions hostiles à l'égard de Winter. Et pour ne pas effaroucher ce reste d'intérêt, qui, en dépit des procédés indignes, subsiste toujours dans un cœur sensible, ce fut en qualité d'aumônier du régiment qu'il était censé commander que je m'introduisis près de la ci-devant maîtresse du prétendu colonel. Mon costume, mon langage, la manière dont je m'étais grimé, étant en parfaite harmonie avec le rôle que je devais jouer, j'obtins d'emblée la confiance de la belle délaissée qui me donna à son insu tous les renseignements dont j'avais besoin. Elle me fit connaître sa rivale préférée, qui, déjà fort maltraitée par Winter, avait encore la faiblesse de le voir, et ne pouvait s'empêcher de faire pour lui de nouveaux sacrifices. Je me mis en rapport avec cette charmante personne, et pour être bien vu d'elle, je m'annonçai comme un ami de la famille de son amant. Les parents de ce jeune étourdi m'avaient chargé d'acquitter ses dettes, et si elle consentait à me ménager une entrevue avec lui, elle pouvait compter qu'elle serait satisfaite la première. Madame n'était pas fâchée de trouver cette occasion de réparer les brèches faites à son petit avoir. Un matin, elle me fit remettre un billet pour m'avertir que le soir même, elle devait dîner avec son amant sur le boulevard du Temple à la Galiote. Dès 4 heures, j'allais, déguisé en commissionnaire, me poster près de la porte du restaurant. Et il y avait environ 2 heures que je faisais faction, lorsque je vis venir de loin un colonel de hussards. C'était Winter, suivi de 2 domestiques. Je m'approche et m'offre à garder les chevaux. On accepte. Winter met pied à terre, il ne peut m'échapper, mais ses yeux ayant rencontré les miens, d'un saut il s'élance sur son coursier, pique des 2 et disparaît. J'avais cru le tenir, mon désappointement fut grand. Toutefois, je ne désespérais pas de l'appréhender. À quelque temps de là, je fus informé qu'il devait se rendre au Café Hardy sur le boulevard des Italiens. Je l'y devançai avec quelques-uns de mes agents, et quand il arriva, tout avait été si bien disposé qu'il n'eut plus qu'à monter dans un fiacre dont j'avais fait les frais. Conduit devant le commissaire de police, il voulut soutenir qu'il n'était pas Winter, mais malgré les insignes du grade qu'il s'était conféré et la longue brochette de décoration fixée sur sa poitrine, il fut bien et dûment constaté qu'il était l'individu désigné dans le mandat dont j'étais porteur. Winter fut condamné à 8 ans de réclusion. Il serait aujourd'hui libéré, mais un faux dont il se rendit coupable durant sa détention à Bicêtre, lui ayant valu un supplément de 8 ans de galère, à l'expiration de la première peine, il fut envoyé au bagne où il est encore. Il partit en déterminé. Cet aventurier ne manquait pas d'esprit. Il est, assure-t-on, l'auteur d'une foule de chansons fort en vogue parmi les forçats qui le regardent comme leur Anacréon. Winter, lorsque je l'arrêtais, avait beaucoup de confrères dans Paris. Les Tuileries étaient notamment l'endroit où l'on rencontrait le plus de ces brillants voleurs, qui se recommandaient à la publique vénération en se parant effrontément des croix de toutes les chevaleries. Aux yeux de l'observateur qui sait s'isoler des préventions de parti, le château était alors moins une résidence royale qu'une forêt infestée de brigands. Là affluait une foule de galériens, d'escrocs, de filous de toute espèce, qui se présentaient comme les anciens compagnons d'armes de Charette, des Laroche-Jacquelin, des Stofflet, des Cadoulal, etc. Les jours de revue et de grandes réceptions, on voyait accourir au rendez-vous tous ces prétendus héros de la fidélité. En ma qualité d'agent supérieur de la police secrète de sûreté, je pensais qu'il était de mon devoir de surveiller ces royalistes de circonstance. Je me postais donc sur leur passage, soit dans les appartements, soit au dehors, et bientôt je fus assez heureux pour en réintégrer quelques-uns dans les bagnes. Un dimanche, qu'avec un de mes auxiliaires j'étais à l'affût sur la place du Carrousel, nous aperçûmes, sortant du pavillon de Flore, un personnage dont le costume, non moins riche qu'élégant, attirait tous les regards. Ce personnage était tout au moins un grand seigneur. N'eût-il pas été chamarré de cordons, on l'aurait reconnu à la délicatesse de ses broderies, à la fraîcheur de sa plume, au nœud étincelant de son épée. Mais aux yeux d'un homme de police, tout ce qui reluit n'est pas or. Celui qui m'accompagnait prétendit, en me faisant remarquer le grand seigneur, qu'il avait une ressemblance frappante entre lui et le nommé Chambreuil, avec qui il s'était trouvé au bagne de Toulon. J'avais l'occasion de voir Chambreuil. J'allais me placer devant lui, afin de le regarder de face, et malgré l'habit à la française, le jabot à point d'Angleterre, le crapaud, les manchettes, je reconnus sans peine l'ex-forçat. C'était bien Chambreuil, un fameux faussaire, à qui ses évasions avaient fait un grand renom parmi les galériens. Sa première condamnation datait de nos belles campagnes d'Italie. À cette époque, il avait suivi nos phalanges pour être plus à portée d'imiter les signatures de leurs fournisseurs. Il avait un véritable talent pour ce genre d'imitation, mais ayant trop prodigué les preuves de son habileté, il avait fini par s'attirer une condamnation à 3 ans de fer. 3 ans sont bientôt écoulés. Chambreuil ne put cependant se résoudre à subir sa prison. Il s'évada et accourut à Paris où, pour vivre honorablement, il mit en circulation bon nombre de billets de portefeuille qu'il fabriquait lui-même. On lui fit encore un crime de cette industrie. Traduit devant les tribunaux, il succomba et fut envoyé à Brest, où, en vertu d'une sentence, il devait faire un séjour de 8 ans. Chambreuil parvint de nouveau à rompre son banc, mais comme le faux était sa ressource ordinaire, il se fit reprendre une 3e fois et fit partie d'une chaîne que l'on expédia pour Toulon. À peine arrivé, il tenta encore de brûler la politesse à ses gardiens. Arrêté et ramené au bagne, il fut placé dans la trop fameuse salle numéro 3, où il fit son temps, augmenté de 3 années. Pendant cette détention, il chercha à se distraire, partageant ses loisirs entre la dénonciation et l'escroquerie qui n'étaient pas moins de son goût l'une que l'autre. son moyen de prédilection était des lettres imaginaires qui, à sa sortie du bagne, lui valurent 2 ans de réclusion dans la prison d'Embrun. Chambreuil venait d'y être conduit lorsque son Altesse royale, le duc d'Angoulême, passant dans cette ville, il fait tenir à ce prince un placet dans lequel il se présentait comme un ancien Vendéen, un serviteur dévoué, à qui son royalisme avait attiré des persécutions. Chambreuil fut immédiatement élargi, et bientôt après, il recommença à user de sa liberté comme il l'avait fait toujours. Quand nous le découvrîmes à l'étalage qu'il faisait, il nous fut aisé de juger qu'il était dans une bonne veine de fortune. Nous le suivîmes un instant afin de nous assurer que c'était bien lui, et dès qu'il n'eut plus de doute, je l'abordai de front et lui déclarai qu'il était mon prisonnier. Chambreuil crut alors m'imposer en me crachant au visage une effrayante série de clichés et de titres dont il se disait revêtu. Il n'était rien moins que directeur de la police du château et chef des haras de France, et moi j'étais un misérable dont il ferait châtier l'insolence. Malgré la menace, je ne persistais pas moins à vouloir qu'il montât dans un fiacre, et comme il faisait difficulté d'obéir, nous prîmes sur nous de l'y contraindre par la violence. En présence de M. Henri, M. le directeur de la police du château ne se déconcerta pas. Loin de là, il prit un ton de supériorité arrogante qui fit trembler les chefs de la préfecture. Tous redoutaient que je n'eusse commis une méprise. « On n'a pas idée d'une audace pareille, » s'écriait Chambreuil. « C'est une insulte pour laquelle j'exige une réparation. Je vous montrerai qui je suis et nous verrons s'il vous sera permis d'user envers moi d'un arbitraire que le ministre n'aurait pas osé se permettre. » Je vis le moment où on allait lui faire des excuses et me réprimander. On ne doutait pas que Chambreuil ne fût un ancien forçat, mais on craignait d'avoir offensé en lui un homme puissant, comblé des faveurs de la cour. Enfin, je soutins avec tant d'énergie qu'il n'était qu'un imposteur, que l'on ne put pas se dispenser d'ordonner une perquisition à domicile. Je devais assister le commissaire de police dans cette opération à laquelle il fallait que Chambreuil fût présent. Chemin faisant, ce dernier me dit à l'oreille « Mon cher Vidocq, il y a dans mon secrétaire des pièces qu'il m'importe de faire disparaître. Promets-moi de les retirer et tu n'auras pas à t'en repentir. Je te le promets. Tu les trouveras sous un double fond dont je t'expliquerai le secret. » Il m'indiqua comment je devais m'y prendre. Je retirai un fil de papier de l'endroit où ils étaient, mais pour les joindre aux pièces qui légitimaient son arrestation. Jamais faussaire n'avait disposé avec plus de soin l'échafaudage de sa supercherie. On trouva chez lui une grande quantité d'imprimés, les uns avec cette suscription « Haras de France », les autres avec celle-ci « Police du roi », des feuilles à la tellière portant les intitulés du ministère de la guerre, des états de service, des brevets, des diplômes, et un registre de correspondance toujours ouvert, comme par mégarde, afin de mieux tromper l'espion, était autant de pièces probantes des hautes fonctions que Chambreuil s'attribuait. Il était censé en relation avec les plus éminents personnages. Les princes, les princesses lui écrivaient. Les lettres et les siennes étaient transcrites en regard les unes des autres, et ce qui paraîtra bien étrange, c'est qu'il s'entretenait aussi avec le préfet de police, dont la réponse se trouvait sur le registre menteur en marge d'une de ses missives. Les lumières que la perquisition avait fournies corroborèrent si complètement mes assertions au sujet de Chambreuil qu'on n'hésita plus à l'envoyer à la force en attendant sa mise en jugement. Devant le tribunal, il fut impossible de l'amener à confesser qu'il était le forçat que je m'opinâtrais à reconnaître. Il produisit, au contraire, des certificats authentiques par lesquels il était constaté qu'il n'avait pas quitté la Vendée depuis l'an 2. Entre lui et moi, les juges furent un instant embarrassés de prononcer. Mais je réunis tant et de si fortes preuves à l'appui de mes dires que l'identité ayant été reconnue, il fut condamné aux travaux forcés à perpétuité et enfermé au bagne de l'Orient, où il ne tarda pas à reprendre ses anciennes habitudes de dénonciateur. C'est ainsi qu'à l'époque de l'assassinat du duc de Berry, de concert avec un nommé Gérard Carrette, il écrivit à la police qu'ils avaient des révélations à faire au sujet de ce crime affreux. On connaissait Chambreuil, on ne le crut pas. Mais quelques personnes, assez absurdes pour imaginer que Louvel avait des complices, demandèrent que Carrette fût amené à Paris. Carrette fit le voyage, et l'on n'apprit rien de plus que ce que l'on savait. L'année 1814 fut l'une des plus remarquables de ma vie, principalement sous le rapport des captures importantes que j'opérais coup sur coup. Il en est quelques-unes qui donnèrent lieu à des incidents assez bizarres. Au surplus, puisque je suis en train de coudre des narrations les unes aux autres, je vais raconter. Depuis près de 3 ans, un homme d'une stature presque gigantesque était signalé comme l'auteur d'un grand nombre de vols commis dans Paris. Au portrait que tous les plaignants faisaient de cet individu, il était impossible de ne pas reconnaître le nommé Sablin, voleur extrêmement adroit et entreprenant, qui, libéré de plusieurs condamnations successives, dont deux au fer, avait repris l'exercice du métier avec tous les avantages de l'expérience des prisons. Divers mandats furent décernés contre Sablin. Les plus fins limiers de la police furent lancés à ses trousses. On eut beau faire, il se dérobait à toutes les poursuites, et si l'on était averti qu'il s'était montré quelque part, lorsqu'on y arrivait, il n'était déjà plus temps de découvrir sa trace. Tout ce qu'il y avait d'inspecteur à la préfecture s'étant à la fin lassé de courir après cet invisible, ce fut à moi que revint la tâche de le chercher et de le saisir, si faire se pouvait. Pendant plus de 15 mois, je ne négligeais rien pour parvenir à le rencontrer, mais il ne faisait jamais dans Paris que des apparitions de quelques heures, et sitôt un vol commis, il s'éclipsait sans qu'il fût possible de savoir où il était passé. Sablin n'était en quelque sorte connu que de moi, aussi de tous les agents était-je celui qu'il redoutait le plus. Comme il voyait de loin, il s'y prenait si bien pour m'éviter qu'il ne me fut pas donné une seule fois d'apercevoir même son ombre. Cependant, comme le manque de persévérance n'est pas mon défaut, je finis par être informé que Sablin venait de fixer sa résidence à Saint-Cloud où il avait loué un appartement. À cette nouvelle, je partis de Paris, de manière à n'arriver qu'à la tombée de la nuit. On était alors en novembre et il faisait un temps affreux. Quand j'entrais dans Saint-Cloud, tous mes vêtements étaient trempés. Je ne pris pas même le temps de les faire sécher, et dans l'impatience de vérifier si je ne m'étais pas embarqué sur un faux avis, je pris, au sujet du nouvel habitant, quelques renseignements desquels il résultait qu'une femme, dont le mari marchand forain, avait près de 5 pieds 10 pouces, était récemment emménagée dans la maison de la mairie. Les tailles de 5 pieds 10 pouces ne sont pas communes, même parmi les patagons. Je ne doutais plus que l'on m'eût indiqué le véritable domicile de Sablin. Toutefois, comme il était trop tard pour m'y présenter, je remis ma visite au lendemain, et pour être bien certain que notre homme ne m'échapperait pas, malgré la pluie, je me décidai à passer la nuit devant sa porte. J'étais en vedette avec un de mes agents. Au point du jour, on ouvre, et je me glisse doucement dans la maison afin d'y pousser une reconnaissance. Je veux m'assurer s'il est temps d'agir. Mais, près de mettre le pied sur la première marche de l'escalier, je m'arrête, quelqu'un descend. C'est une femme, dont les traits altérés et la démarche pénible révèlent un état de souffrance. À mon aspect, elle jette un cri et remonte. Je la suis, et m'introduisant avec elle dans le logement dont elle a la clé, je m'entends annoncer par ces mots prononcés avec effroi. « Voilà Vidocq !» Le lit est dans la seconde pièce, j'y cours, un homme est encore couché, il lève la tête, c'est Sablin. Je me précipite sur lui, et avant qu'il ait pu se reconnaître, je lui passe les menottes. Pendant cette opération, madame, tombée sur une chaise, poussait des gémissements. Elle se tordait et paraissait en proie à une douleur horrible. « Et qu'a donc votre femme ? » dis-je à Sablin. « Ne voyez-vous pas qu'elle est dans les malles ? Toute la nuit, ça a été le même train. Quand vous l'avez rencontrée, elle sortait pour aller chez madame Tirmonde. » En ce moment, les gémissements redoublent. « mon Dieu, je n'en puis plus. Je me meurs. Messieurs, ayez pitié de moi. Que je souffre donc. Aïe ! « À mon secours !» Bientôt, ce ne sont plus que des sons entrecoupés. Pour ne pas être touché d'une telle situation, il aurait fallu avoir un cœur de bronze. Mais que faire? Il est évident qu'ici, une sage-femme serait très nécessaire. Cependant, par qui l'envoyer chercher? Nous ne sommes pas trop de deux pour garder un gaillard de la force de Sablin. Je ne puis sortir, je ne puis non plus me résoudre à laisser mourir une femme. Entre l'humanité et le devoir, je suis réellement l'homme le plus embarrassé du monde. Tout à coup, un souvenir historique, très bien mis en scène par madame de Genlis, vient m'ouvrir l'esprit. Je me rappelle le grand monarque faisant auprès de la Vallière l'office d'accoucheur. Pourquoi, me dis-je, serais-je plus délicat que lui? Allons, vite, un chirurgien, c'est moi qui le suis. Soudain je mets habit bas, en moins de 25 minutes, madame Sablin est délivrée. C'est un fils superbe à qui elle a donné le jour. J'emmaillote le poupon après lui avoir fait la toilette de la première entrée ou de la première sortie, car je crois qu'ici les deux expressions sont synonymes, et quand la cérémonie est terminée, en contemplant mon ouvrage, j'ai la satisfaction de voir que la mère et l'enfant se portent bien. Maintenant il s'agit de remplir une formalité, l'inscription du nouveau-né sur les registres de l'état civil. Nous étions tout portés, je m'offre à servir de témoin, et lorsque j'ai signé, madame Sablin me dit « Ah, monsieur Jules, pendant que vous y êtes, vous devrez bien nous rendre un service. » Lequel? Je n'ose vous le demander. Parlez, si c'est possible. Nous n'avons pas de parrain. Auriez-vous la bonté de l'être? Autant moi qu'un autre. Où est la marraine? Madame Sablin nous pria d'appeler une de ses voisines, et dès que celle-ci fut prête, nous allâmes à l'église, accompagnée de Sablin, que j'avais mis dans l'impossibilité de se sauver. Les honneurs de ce parrainage ne me coûtèrent pas moins de 50 francs, et pourtant il n'y eut pas de dragée au baptême. Malgré le chagrin qu'il éprouvait, Sablin était tellement pénétré de mes procédés qu'il ne put s'empêcher de m'en témoigner sa reconnaissance. Après un bon déjeuner que nous nous fîmes apporter dans la chambre de la couchée, j'emmenai son mari à Paris, où il fut condamné à 5 ans de prison. Devenu garçon de guichet à la force, où il subissait sa peine, Sablin trouva dans cet emploi non seulement le moyen de bien vivre, mais encore celui de s'amasser, aux dépens des prisonniers et des personnes qui venaient les visiter, une petite fortune qu'il se proposait de partager avec son épouse. Mais à l'époque où il fut libéré, ma commère, Madame Sablin, qui aimait aussi à s'approprier le bien d'autrui, était en expiation à Saint-Lazare. Dans l'isolement où le jetait la détention de sa ménagère, Sablin fit comme tant d'autres, il tourna à mal, c'est-à-dire qu'ayant un soir pris sur lui le fruit de ses économies, qu'il avait converti en or, il alla au jeu et perdit tout. 2 jours après, on le trouva pendu dans le bois de Boulogne. Il avait choisi pour s'accrocher un des arbres de l'allée des voleurs. Ce n'était pas, comme on l'a vu, sans m'être donné beaucoup de peine, que j'étais parvenu à livrer Sablin aux tribunaux. Certes, si toutes les explorations eussent nécessité autant de pas et de démarches, je n'y aurais pas suffi. Mais presque toujours le succès se faisait moins attendre, et quelquefois il était si prompt que j'en étais moi-même étonné. Peu de jours après mon aventure de Saint-Cloud, le sieur Sebillotte, marchand de vin, rue de Charenton, numéro 145, se plaignit d'avoir été volé. Suivant sa déclaration, les voleurs s'étant introduits chez lui, à l'aide d'escalades, entre 7 et 8 heures du soir, lui avaient enlevé 12 000 francs, espèces sonnantes, 2 montres d'or et 6 couverts d'argent. Il y avait eu effraction tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Enfin, toutes les circonstances de ce crime étaient si extraordinaires que l'on conçut sur la véracité de M. Sebillotte des doutes que j'eus la mission d'éclaircir. Un entretien que j'eus avec lui me convainquit de reste que sa plainte ne mentionnait que des faits très réels. M. Sebillotte était propriétaire, il avait chez lui plus que de l'aisance, et il ne devait rien. Par conséquent, je ne voyais pas dans sa situation l'ombre d'un motif pour que le vol dont il se plaignait fût simulé. Cependant, ce vol était de telle nature que pour le commettre, il avait fallu connaître parfaitement les êtres de la maison. Je demandai à M. Sebillotte quelles personnes fréquentaient le plus habituellement son cabaret, et quand il m'en eut désigné quelques-uns, il me dit « C'est à peu près tout, sauf les passants, et puis ces étrangers qui ont guéri ma femme. Ma foi, nous avons été bien heureux de les rencontrer. La pauvre diablesse était souffrante depuis 3 ans. Il lui donnait un remède qui lui a fait du bien. Les voyez-vous souvent, ces étrangers? Ils venaient ici prendre leur repas, mais depuis que ma femme va mieux, on ne les voit que de loin en loin. Savez-vous quels sont ces gens? Peut-être auront-ils remarqué. Ah, monsieur, s'écrie Madame Sebillotte, qui prenait part à la conversation. « N'allez pas les soupçonner, ils sont honnêtes, j'en ai la preuve. »« Oh oui, » reprit le mari, « elle en a la preuve. Qu'elle vous conte ça? Vous verrez. Raconte donc à monsieur. » Alors Madame Sebillotte commença son récit en ces termes. « Oui, monsieur, ils sont honnêtes, j'en mettrai ma main au feu. » Enfin, figurez-vous, il n'y a pas plus de 15 jours, c'était justement la semaine d'après le terme. J'étais occupé à compter l'argent de nos loyers, quand une des femmes qui sont avec eux est venue à entrer. C'était celle qui m'a donné le remède dont j'ai éprouvé un si grand soulagement. Et il n'y a pas à dire qu'elle m'ait pris un sou pour ça, bien au contraire. Vous sentez bien que je ne puis pas faire autrement que de la voir avec plaisir. Je la fis asseoir à côté de moi, et pendant que je mettais les pièces par 100 francs, voilà qu'elle en aperçoit une où il y a ce gros père, appuyé sur 2 jeunesses, avec une peau sur les épaules en manière de sauvage qui tient un bâton. « Ah !» me dit-elle, « en avez-vous beaucoup de cette façon-là »« Pourquoi ?» lui dis-je. C'est que, voyez-vous, ça vaut 104 sous. Autant vous en aurez à ce prix, autant mon mari vous en prendra si vous voulez les mettre à part. Je croyais qu'elle plaisantait, mais le soir je n'ai jamais été plus surprise que de la voir. Son mari était avec elle, nous avons vérifié ensemble notre argent, et comme il s'est trouvé parmi 300 pièces de 100 sous de celles qui lui convenaient, je les lui ai cédées, et il m'a compté 60 francs de bénéfice. Ainsi, jugez d'après cela, si ce sont d'honnêtes gens, puisqu'il n'aurait tenu qu'à eux de les avoir troc pour troc. À l'œuvre, on connaît l'ouvrier. La dernière phrase de Madame Sebillotte me disait assez de quelle espèce d'honnête gens elle faisait l'éloge. Il ne m'en fallut pas davantage pour être certain que le vol, dont je devais chercher les auteurs, avait été commis par des bohémiens. Le fait de l'échange était dans leur manière, et puis Madame Sebiot, en me les dépeignant, ne fit que me confirmer de plus en plus dans l'opinion que je m'étais formée. Je quittai bien vite les deux époux, et dès ce moment, tous les teints basanés me devinrent suspects. Je cherchais dans ma tête où je pourrais en trouver le plus de cette nuance, lorsque, passant sur le boulevard du Temple, j'aperçois, attablé dans une espèce de cabaret, appelé la maison rustique, deux individus dont le teint cuivré et l'étrange tournure éveillent dans mon esprit quelques réminiscences de mon séjour à Malines. J'entre, que vois-je? Christian, avec un de ses affidés, qui est également de ma connaissance. Je vais droit à eux, et présentant la main à Christian, je le salue du nom de Corouin. Il m'examine un instant, puis mes traits lui revenant à la mémoire. « Ah ! » s'écrie-t-il, en me sautant au cou avec transport, « voilà mon ancien ami !» Il y avait si longtemps que nous ne nous étions vus, que nécessairement, après les compliments d'usage, nous avions bien des questions à nous adresser mutuellement. Il voulut savoir quelle avait été la cause de mon départ de Malines, lorsque je l'avais quitté sans le prévenir. Je lui fis un conte qui eut l'air de croire. « C'est bien, me dit-il, que cela soit vrai ou non, je m'en rapporte. D'ailleurs, je te retrouve, c'est le point essentiel. Ah, va, les autres seront bien contents de te revoir. Ils sont tous à Paris, Caron, Langarin, Ruffler, Martin, Sisque, Miche, Little. Enfin, jusqu'à la mère Laviot qui est avec nous. Et Betch, donc, la petite Betch. Ah oui, ta femme. C'est elle qui aura du plaisir. Si tu es ici à 6 heures, la réunion sera complète. Nous nous sommes donné rendez-vous pour aller au spectacle ensemble. Tu seras de la partie, j'espère. D'abord, puisque te voilà, nous ne nous quittons plus. Tu n'as pas dîné? Non. Ni moi non plus. Nous allons entrer au Capucin. Au Capucin, soit, c'est tout près. Oui, à 2 pas, au coin de la rue d'Angoulême. Le marchand de vin traiteur, dont l'établissement porte pour enseigne la grotesque image d'un disciple de saint François, jouissait alors de la faveur de ce public aux yeux duquel la quantité en a toujours plus de prix que la qualité. Et puis, pour ces célébrateurs du dimanche ou du lundi, pour ces bons vivants qui se mettent en riole sur semaine, n'est-il pas bien doux d'avoir un endroit où, sans faire trop mauvaise chère et sans blesser personne, on puisse se présenter dans toutes les tenues possibles, dans toutes les longueurs de barbe, dans tous les degrés d'ivresse? Tels étaient les avantages que l'on avait au Capucin, sans compter l'immense tabatière banale, toujours ouverte sur le comptoir du bourgeois, pour l'agrément de quiconque, en passant, souhaitait se régaler d'une petite prise. Il était 4 heures quand nous nous installâmes dans ce lieu de liberté et de jouissance. Jusqu'à 6 heures, l'intervalle était long. J'étais impatient de revenir à la maison rustique, où devaient se rassembler les compagnons de Christian. Après le repas, nous allâmes les rejoindre. Ils étaient au nombre de 6. En les abordant, Christian leur parle dans son langage. Aussitôt, au mon tour, on m'accueille, on m'embrasse, on me fait à l'envie. La satisfaction brille dans tous les regards. « Point de comédie, point de comédie !» s'écrient les nomades d'une voix unanime. « Vous avez raison, dit Christian, point de comédie. Nous irons au spectacle une autre fois. Buvons, mes enfants, buvons !»« Buvons !» répètent les bohémiens. Le vin et le punch coulent à grands flots. Je bois, je ris, je cause et je fais mon métier. J'observe les visages, les tics, les gestes, etc. Rien ne m'échappe. Je récapitule quelques indications qui m'ont été fournies par monsieur et madame Sebiot, et l'histoire des pieds de 100 sous, qui n'avait été pour moi que le principe d'une conjecture, devient la base d'une conviction sincère. Christian, je n'en doute pas, Christian ou ses affidés, sont les auteurs du vol dénoncé à la police. Combien je m'applaudis alors d'un coup d'œil fortuit donné si à propos à l'intérieur de la maison rustique. Mais ce n'est pas tout que d'avoir découvert les coupables. J'attends que les cerveaux soient raisonnablement exaltés par les sublimations alcooliques, et quand toute la société est dans un état où il ne faut qu'une chandelle pour en boire 2, je sors et cours en hâte au théâtre de la Gaîté, où, après avoir fait appeler l'officier de paix de service, je l'avertis que je suis avec des voleurs, et me concerte avec lui pour que dans 1 heure ou 2 au plus, il nous fasse tous arrêter, hommes et femmes. L'avis donné, je fus promptement de retour. On ne s'était pas aperçu de mon absence. Mais à 10 heures, la maison est cernée. L'officier de paix se présente, et avec lui un formidable cortège de gendarmes et de mouchards. On attache chacun de nous séparément, et l'on nous entraîne au corps de garde. Le commissaire nous y avait précédé. Il ordonne une fouille générale. Christian, qui prétend se nommer Hirsch, s'efforce en vain de dissimuler les 6 couverts d'argent de M. Sebiot, et sa compagne, Mme Villemain, c'est ainsi qu'elle prétend s'appeler, ne peut dérober à une investigation des plus rigoureuses les 2 montres en or mentionnés dans la plainte. Les autres sont aussi obligés de mettre en évidence de l'argent et des bijoux dont on les débarrasse. J'étais bien curieux de savoir quelle réflexion cet événement suggérerait à mes anciens camarades. Je croyais lire dans leurs yeux que je ne leur inspirais pas la moindre défiance, et je ne me trompais pas, car à peine fus noué au violon qu'ils me firent presque des excuses d'avoir été la cause involontaire de mon arrestation. « Tu ne nous en veux pas, » me dit Christian, « mais qui diable aussi se serait attendu à ce qui vient d'arriver ?»« Tu as bien fait de dire que tu ne nous connaissais pas. Sois tranquille, nous nous garderons bien de dire le contraire. Et comme on n'a rien trouvé sur toi qui puisse te compromettre, tu es bien sûr qu'on ne te retiendra pas. » Christian me recommanda ensuite d'être discret au sujet de son nom véritable et ceux de ses compagnons. « Au reste, » ajouta-t-il, « la recommandation est superflue puisque tu n'es pas moins intéressé que nous à garder le silence à cet égard. » J'offris aux bohémiens de leur consacrer les premiers moments de ma liberté, et dans l'espoir que je ne tarderais pas à être élargi, ils m'indiquèrent leur domicile afin qu'à ma sortie, je puisse aller prévenir leurs complices. Vers minuit, le commissaire me fit extraire, sous le prétexte de m'interroger, et nous nous transportâmes aussitôt au marché Le Noir, où restait la fameuse duchesse, ainsi que trois autres des affidés de Christian, que nous arrêtâmes à la suite d'une perquisition qui mit entre nos mains toutes les preuves nécessaires pour les faire déclarer coupables. Cette bande était composée de 12 individus, 6 hommes et 6 femmes. Ils furent tous condamnés, les uns au fer, les autres à la réclusion. Le marchand de vin de la rue de Charenton recouvra ses bijoux, ses couverts et la plus grande partie de son argent. Madame Sebillotte fut dans la joie. Le spécifique des bohémiens avait eu pour effet de rendre sa santé moins chancelante. La nouvelle des 12 000 francs retrouvée la guérit radicalement. Et sans doute aussi, l'expérience qu'elle avait faite ne fut pas perdue pour elle. Elle se sera souvenue qu'une fois dans sa vie, il avait failli lui en cuire d'avoir vendu 104 sous des pièces de 5 francs. J'ai chaudé craint l'eau froide. Cette rencontre des bohémiens est presque miraculeuse, mais dans le cours des 18 années que j'ai été attaché à la police, il m'est arrivé plus d'une fois d'être fortuitement rapproché de personnes avec lesquelles le hasard m'avait mis en contact durant les agitations de ma jeunesse. À propos d'occurrences de ce genre, je ne puis résister à l'envie de consigner dans ce chapitre une de ces 1000 réclamations absurdes qu'il me fallait entendre chaque jour. Celle-ci me procura une bien singulière reconnaissance. Un matin, tandis que j'étais occupé à rédiger un rapport, on m'annonce qu'une dame fort bien mise désire me parler. Elle a, me dit-on, à vous entretenir d'une affaire des plus importantes. J'ordonne de la faire entrer. Elle entre. « Je vous demande pardon de vous avoir dérangé. Vous êtes Monsieur Vidocq ?»« C'est à Monsieur Vidocq que j'ai l'honneur de parler. » « Oui, madame. Que puis-je pour votre service ?»« Beaucoup, monsieur. Vous pouvez me rendre l'appétit et le sommeil. Je ne dors plus, je ne mange plus. » Qu'on est malheureuse d'être sensible. Ah, monsieur, que je plains les personnes qui ont de la sensibilité. Je vous jure, c'est un bien triste présent que le ciel leur a fait là. Il est si intéressant, si bien élevé. Si vous l'aviez connu, vous n'auriez pas pu vous empêcher de l'aimer, pauvre garçon. Mais, madame, daignez vous expliquer. Peut-être me faites-vous perdre un temps précieux. Il était ma seule consolation. Enfin, de quoi s'agit-il ? Je n'aurai pas la force de vous le dire. Elle fouille dans son sac, d'où elle tire un imprimé qu'elle me remet en détournant la vue. Lisez plutôt. Ce sont les petites affiches que vous me donnez là. Sans doute, vous vous méprenez. Je le voudrais, monsieur, je le voudrais. Je vous en supplie, jetez les yeux sur le numéro 327-40. Dans mon affliction, je ne saurais vous en dire davantage. Ah, qu'il est cruel. Des larmes s'échappent de ses yeux, la parole expire sur ses lèvres. Elle est agitée par des sanglots, elle paraît éprouver des suffocations. « Ah, j'étouffe, j'étouffe !»« Je sens quelque chose qui me remonte. Ah !» Je tends un siège à la dame, et tandis qu'il s'abandonne à sa douleur, je tourne 2 ou 3 feuillets pour arriver au numéro 327-40. C'est sous la rubrique des effets perdus. La page est trempée de larmes. Je lis. Petit épagneul, longue soie argentée, oreille tombante. Il est parfaitement coiffé, une marque de feu au-dessus de chaque œil, physionomie excessivement spirituelle et queue en trompette formant l'oiseau de paradis. Il est très caressant de son naturel, ne mange que du blanc de volaille et répond au nom de garçon, prononcé avec douceur. Sa maîtresse est dans la désolation, 50 francs de récompense à qui le ramènera rue de Turenne, numéro 23. Eh bien, madame, que voulez-vous que je fasse pour garçon? Les chiens ne sont pas de ma compétence. Je veux bien que celui-ci ait été fort aimable. Oh oui, monsieur aimable, c'est le mot, soupira la dame avec un accent qui allait au cœur. Et de l'intelligence, on n'en a pas plus que cela. Il ne me quittait pas. Ce cher garçon, croyez-vous que pendant nos saints exercices de la mission, il avait l'air aussi recueilli que moi? Enfin, on l'admirait, c'était édifiant. Hélas, dimanche dernier, nous allions encore ensemble le saluer. Je le portais sous mon bras. Vous savez que ces petits êtres ont toujours des besoins. Au moment d'entrer à l'église, je le pose à terre pour qu'il fasse ses nécessités. J'avance quelques pas afin de ne pas le gêner, et quand je me retourne, plus de garçon. J'appelle « Garçon, garçon !» Il avait disparu. Je manque la bénédiction pour courir après, et, jugé de mon malheur, il ne m'a pas été possible de le retrouver. C'est pourquoi je viens aujourd'hui près de vous, afin que vous ayez l'extrême bonté d'envoyer à sa recherche. Je paierai tout ce qu'il faudra, mais surtout qu'on ne le brutalise pas, car je répondrai qu'il n'y a pas de sa faute. « Ma foi, madame, qu'il y ait de sa faute ou non, cela ne me regarde pas. Votre réclamation n'est pas de la nature de celle qu'il m'a permis d'écouter. S'il fallait ici nous occuper de chiens, de chats, d'oiseaux, nous n'en finirions pas. » « C'est bien, monsieur. Puisque vous le prenez sur ce ton, je m'adresserai à son Excellence. Si l'on n'a pas de complaisance pour les personnes qui pensent bien, savez-vous que j'appartiens à la congrégation et que vous appartenez au diable, si vous voulez ?»« Je ne puis pas achever. Une difformité que je remarque tout à coup dans la dévote maîtresse de garçon provoque de ma part un éclat de rire tel qu'elle en est tout à fait déconcertée. « N'est-ce pas que je suis bien risible ? » dit-elle. « Riez, monsieur, riez !» Au moment où ma subite gaieté s'apaise un peu, « Pardonnez, madame, à ce mouvement dont je n'ai pas été le maître. J'ignorais d'abord à qui j'avais affaire. Maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Vous déplorez donc bien la perte de garçon. Ah, monsieur, je n'y survivrai pas. » Vous n'avez donc jamais prouvé de perte à laquelle vous ayez été plus sensible? Non, monsieur. Cependant, vous eûtes un mari en ce monde, vous eûtes un fils, vous avez eu des amants. Moi, monsieur, je vous trouve bien osé. Oui, madame Duflot, vous avez eu des amants, vous en avez eu. Rappelez-vous une certaine nuit de Versailles. À ces mots, elle me considère plus attentivement, le rouge lui monte au visage. Eugène! S'écrie-t-elle, et elle s'enfuit. Madame Duflot était cette marchande de nouveautés dont j'avais été quelque temps le commis lorsque, pour me dérober aux recherches de la police d'Arras, j'étais venu me cacher dans Paris. C'était une drôle de femme que Madame Duflot. Elle avait une tête superbe, l'œil hautain, le sourcil en relief, le front majestueux. Sa bouche, relevée par les coins, était plus grande que nature, mais elle était ornée d'un beau noir et un nez aquilin à cheval sur une petite moustache passablement fournie et qui donnait à sa physionomie un air qui eût peut-être été imposant si sa poitrine placée entre deux bosses et son cou plongé dans ses doubles épaules n'eussent fait naître l'idée d'un polichinelle. Elle était environ 40 ans quand je la vis pour la première fois. Sa mise était des plus recherchées, et elle visait à se donner un port de reine. Mais du haut de la chaise où elle était perchée de telle façon que ses genoux s'élevaient de beaucoup au-dessus du comptoir, elle ressemblait moins à une Sémiramis qu'à l'idole grotesque de quelque pagode indienne. En l'apercevant sur cette espèce de trône, j'eus beaucoup de peine à tenir mon sérieux. Cependant, je ne dérogeais point à la gravité de la circonstance, et j'eus assez d'empire sur moi pour convertir en salutations respectueuses des dispositions d'un tout autre genre. Madame Duflot tira de son sein un gros lorgnon à l'aide duquel elle se mit à me regarder, et quand elle m'eut toisé de la tête aux pieds, « Que souhaite monsieur ?» me dit-elle. J'allais répondre, mais un commis qui s'était chargé de ma présentation, lui ayant dit que j'étais le jeune homme dont il lui avait parlé, elle me fixe de nouveau et me demande si je m'entends au commerce. En fait de commerce, j'étais assez novice. Je garde le silence. Elle réitère la question et comme elle manifeste de l'impatience, je me vois forcé de m'expliquer. « Madame, lui dis-je, je ne connais pas le commerce de nouveautés, mais avec du zèle et de la persévérance, j'espère parvenir à vous satisfaire, surtout si vous avez la bonté de m'aider de vos conseils. » « Eh bien, vous me faites plaisir. J'aime que l'on soit franc. Je vous accepte. Vous remplacerez Théodore. Dès qu'il vous conviendra, madame, je suis à vos ordres. En ce cas, je vous arrête et à date d'aujourd'hui, je vous prends à l'essai. » Mon installation eut lieu sur le champ. En ma qualité de dernier commis, c'était à moi qu'était dévolue la tâche d'approprier le magasin et l'atelier, où une vingtaine de jeunes filles, toutes plus jolies les unes que les autres, étaient occupées à façonner des colifichets destiné à tenter la coquetterie provinciale. J'étais au milieu de cet essaim de beauté, je me crus transporté au sérail, et convoitant tante la brune, tante la blonde, je me proposais de faire circuler le mouchoir lorsque, dans la matinée du quatrième jour, Madame Duflot, qui avait sans doute surpris quelque yade, m'invita à passer dans son cabinet. « Monsieur Eugène, me dit-elle, je suis fort mécontente de vous. Vous n'êtes ici que depuis très peu de temps et déjà vous vous permettez de former des dessins criminels au sujet des jeunes personnes que j'occupe. Je vous avertis que cela ne me convient pas du tout, du tout, du tout. » Confondue de ce reproche mérité et ne pouvant imaginer comment elle avait deviné mes intentions, je ne lui répondis que par quelques paroles insignifiantes. « Vous seriez bien embarrassé de vous justifier, » reprit-elle. « Je sais bien qu'à votre âge, vous ne pouvez guère vous passer d'avoir une inclination. Mais ces demoiselles ne sont votre fait sous aucun rapport. D'abord, elles sont trop jeunes. Ensuite, elles sont sans fortune. Un jeune homme, il faut quelqu'un qui puisse subvenir à ses besoins, quelqu'un de raisonnable. » Pendant cette morale, Madame Duflot, nonchalamment étendue sur une chaise longue, roulait des yeux, dont les mouvements eussent infailliblement produit un bruyant désopilement de marâtre, si sa bonne ne fût venue très à propos lui dire qu'on la demandait au magasin. Ainsi finit cet entretien, qui me démontra la nécessité de me tenir désormais sur mes gardes. Sans renoncer à mes prétentions, je ne parus plus voir qu'avec indifférence les ouvrières de ma patronne, et je fus assez habile pour mettre en défaut sa pénétration. Sans cesse elle veillait sur moi, épiait mes gestes, mes paroles, mes regards. Mais elle ne fut frappée que d'une seule chose, la rapidité de mes progrès. Je n'avais pas fait un mois d'apprentissage et déjà je savais vendre un châle, une robe de fantaisie, une guimpe, un bonnet, comme le plus ergoté des commis. Madame était enchantée, elle eut même la bonté de me dire que si je continuais à me montrer docile à ses leçons, elle ne désespérait pas de faire de moi le coq de la nouveauté. « Mais surtout, ajouta-t-elle, plus de familiarité avec les poulettes. Vous m'entendez, monsieur Eugène, vous m'entendez. Et puis, j'ai encore une recommandation à vous faire, c'est de ne pas vous négliger sous le rapport de la toilette. C'est si gentil, un homme bien mis. Au surplus, dorénavant, c'est moi qui vais vous habiller. Laissez-moi faire, et vous verrez si je ne fais pas de vous un petit amour. » Je remerciai Madame Duflot, et comme je craignais qu'avec son goût extravagant, elle ne me transformât en Cupidon à peu près comme elle s'était transformée en Vénus, je lui dis que je désirais lui épargner le soin d'une métamorphose qui me paraissait impossible, mais que si elle se bornait aux habits, je les recevrais avec reconnaissance et m'empresserais de les mettre à profit. À quelque temps de là, c'était 4 jours avant la Saint-Louis, Madame Duflot m'annonça que, voulant, suivant son usage, aller à la foire de Versailles avec une partie de marchandises, elle avait jeté les yeux sur moi pour l'accompagner. Nous partîmes le lendemain, et 48 heures après, nous étions établis sur le champ de foire. Un domestique qui nous avait suivis couchait dans la boutique. Quant à moi, je logeais avec madame à l'auberge. Nous avions demandé 2 chambres, mais, vu l'affluence des étrangers, on ne put nous en donner qu'une. Il fallut se résigner. Le soir, madame se fit apporter un grand paravent, dont elle se servit pour séparer la pièce en 2, de manière que nous devions être chacun notre particulier. Avant d'aller nous coucher, elle me sermonna pendant 1 heure. Enfin, nous montons. Madame passe chez elle. Je lui souhaite le bonsoir, et en 2 minutes, je suis au lit. Bientôt, elle laisse échapper quelques soupirs. C'est sans doute l'effet de la fatigue qu'elle a éprouvée pendant la journée. Elle soupire encore, mais la chandelle est éteinte et je m'endors. Tout à coup, je suis interrompu dans mon premier somme. Il me semble que l'on a prononcé mon nom. J'écoute. Eugène. C'est la voix de Madame Duflot. Je ne réponds pas. Eugène, appelle-t-elle de nouveau. Avez-vous bien fermé la porte? Oui, madame. Je pense que vous vous trompez. Voyez-y, je vous prie. Et surtout, assurez-vous, si le verrou est bien poussé, on ne saurait prendre trop de précautions dans les auberges. Je procède à la vérification et reviens me coucher. À peine me suis-je replacé sur le côté gauche que madame commence à se plaindre. Quel mauvais lit! On est rongé de punaises, impossible de fermer l'œil. Et vous, Eugène, avez-vous de ces insectes insupportables? Je fais la sourde oreille, elle reprend. Eugène, répondez donc, avez-vous comme moi des punaises? « Ma foi, madame, je n'en ai pas encore senti. »« Vous êtes bien heureux, je vous en fais mon compliment, car moi, elle me dévore. J'ai des ampoules d'une grosseur. Si cela continue, je passerai une nuit blanche. » Je garde le silence, mais force à moi est de le rompre lorsque Madame Duflot, exaspérée par la souffrance et ne sachant plus, entre les picotements et les démangeaisons, de quel bois faire flèche, se mit à crier à tue-tête. « Eugène, Eugène, mais levez-vous donc, je vous prie, et faites-moi le plaisir d'aller dire à l'aubergiste qu'il vous donne de la lumière pour faire la chasse à ces maudites bêtes. Dépêchez-vous, mon ami. Je suis dans un enfer. Je descends et remonte avec une chandelle allumée que je dépose sur le somno auprès de la couchette de ma bourgeoise. Comme j'étais ce qu'on appelle en petite tenue de dragon, c'est-à-dire le panier volant ou la bannière au vent, je me retirais bien vite, autant pour ménager la pudeur de Madame Duflot que pour échapper aux séductions d'un négligé galant dans lequel il me semblait qu'il y avait du dessein. Mais à peine ai-je fait le tour du paravent, Madame Duflot jette un cri. « Ah, qu'elle est grosse! C'est un monstre! Je n'aurai jamais la force de la tuer! Comme elle court, elle va s'échapper! Eugène! Eugène, venez ici, je vous en supplie !» Il n'y avait pas à reculer. Nouveau taisée, je me risque, et m'approchant du lit. « Où est-il le minotaure que je l'extermine ?»« Je vous en conjure, monsieur Eugène, ne plaisantez pas comme cela. Tenez, le voilà qui court, l'apercevez-vous sous l'oreiller. À présent, elle descend, quelle vitesse! Il semble qu'elle sente ce que vous lui réservez. » J'eus beau faire diligence, je ne pus ni atteindre ni voir le dangereux animal. Je cherchais partout où il aurait pu se glisser, je me donnais tout le mouvement imaginable pour le découvrir. Ce fut peine inutile. Le sommeil ne gagna pendant cet exercice, et à mon réveil, si, par un retour sur le passé, je fus porté à réfléchir que Madame Duflot avait été plus heureuse que l'épouse de Putiphar, j'eus la douleur de penser que je n'avais pas eu toute la vertu de Joseph. Dès ce moment, j'eus la mission de veiller toutes les nuits à ce que Madame ne fût plus incommodée par les punaises. Mon service de jour en devint considérablement plus doux. Les égards, les prévenances, les petits présents ne m'étaient pas épargnés. J'étais ainsi que le conscrit de Charlet, nourri, chaussé, habillé et couché avec le gouvernement aux frais de la princesse. Par malheur, la princesse était quelque peu jalouse et le gouvernement tant soit peu despotique. Madame Duflot ne demandait pas mieux, sous plus d'un rapport, que je m'amusasse comme un bossu. Mais elle entrait dans des fureurs toutes les fois qu'elle me voyait jeter les yeux sur une femme. À la fin, excédé de cette tyrannie, je lui déclarai un soir que j'étais décidé à m'en affranchir. « Ah! Vous voulez me quitter ?» me dit-elle. « Nous verrons. » Puis, s'armant d'un couteau, elle s'élance pour m'en percer le cœur. J'arrêtai son bras, et sa rage s'étant apaisée, je m'engageai à rester, sous la condition qu'elle serait plus raisonnable. Elle promit. Mais dès le lendemain, des rideaux de taffetas vert furent adaptés au grillage du cabinet où j'étais relégué, depuis que Madame avait jugé à propos de m'employer exclusivement à la tenue de ses livres. Cette mesure était d'autant plus vexatoire que désormais il n'y avait plus moyen d'avoir en perspective le personnel du magasin. Madame Duflot était par trop ingénieuse à m'isoler du reste de la terre. Chaque jour, c'était une nouvelle précaution pour m'accaparer. Enfin, mon esclavage devint si rigoureux que tout le monde s'apercevait de la tendresse dont j'étais l'objet. Les demoiselles de boutique, qui étaient bien aises de mettre Martel en tête à la bourgeoise, venaient à chaque instant me parler, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre. Cette pauvre Madame Duflot en était tourmentée, c'était une pitié. À toute heure du jour, il me fallait suivre les reproches, c'était des scènes à n'en plus finir. Je ne me sentis pas la force de rester plus longtemps soumis à un pareil régime. Afin d'éviter un éclat qui, dans ma position, aurait pu me compromettre, j'étais alors évadé du bagne, je fis secrètement retenir ma place à la diligence et je filai. J'ai été loin de supposer à cette époque que 20 ans plus tard, je reverrai dans les bureaux de la police la petite bossue de la rue Saint-Martin. C'est le proverbe qu'il a voulu, deux montagnes ne se rencontrent pas.